إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله mes très chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 6 Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 29 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de la biographie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du livre de l'imam Ibn Kathir qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Le livre s'appelle Al-Fusul fi Sirati Rasul, un livre résumé dans lequel l'imam Ibn Kathir a cité la plupart des événements qu'a connu le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin de sa vie. Et comme je l'avais cité au début de cette série, dans une deuxième partie, l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il va parler de certains points qui concernent le prophète alayhi salatu wassalam, qui concernent ses épouses, qui concernent ses serviteurs et d'autres éléments qui concernent ses compagnons également, radiallahu anhum. Et ensuite, il va parler des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, comparé aux autres prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les choses par lesquelles Allah azzawajal l'a spécifié. Et ensuite, il va parler de ses particularités par rapport aux membres de sa communauté, il va le faire d'une manière détaillée, dans le sens où il va commencer tous les chapitres du fiqh, un par un, et dans chaque chapitre, il va citer les points spécifiques à notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Donc, la partie de la biographie, proprement dite, c'est cette première partie qui se terminera bientôt bi'idnillah. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons la faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec sa permission et qu'Allah nous le facilite. Nous allons la faire, mais sans rentrer dans les détails, comme on le fait maintenant. C'est-à-dire qu'on va, dans la plupart de cette partie, on va se limiter à ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit, sans rentrer dans les divergences, car c'est des questions de fiqh. Et le but, c'est de connaître la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de connaître les événements les plus importants, et d'en tirer profit et sagesse. Et qu'Allah nous facilite de mettre en pratique ce que nous apprenons, et je lui demande également de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et dans les actes, et qu'il nous aide à réformer notre apparence comme notre intérieur. Donc je vous avais promis dans le cours précédent de parler de l'histoire de Abu Basir, radiyallahu anhu. Donc Abu Basir, c'est un homme de Quraysh qui est entré dans l'islam et qui est venu fil Medina, qui a immigré vers le prophète alayhi salatu wassalam après le pacte de l'Hudaybiyah. Et parmi les clauses qui ont été stipulées dans ce pacte de la part de Quraysh, c'est que tout Qurashi, tout homme de Quraysh qui vient vers Nabi alayhi salam, il doit le renvoyer vers eux. Par contre, eux, ils ne renvoient pas les Médinois qui viennent vers Quraysh et qui apostasient et qui vont vers Quraysh. Eux, ils ne sont pas dans l'obligation de les renvoyer. Et cette condition, comme on avait vu, c'était très difficile pour certains compagnons, radiallahu anhum. Mais je le rappelle ici encore une fois, parce qu'on va voir en quoi ça va se transformer, cette condition en particulier, à travers l'histoire de Abu Basir, radiallahu anhu. Donc je disais que Abu Basir a fait l'hijra vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam après le pacte de l'Hudaybiyah. Et un homme parmi les mécréants qui s'appelle Al-Akhnas ibn Shariq, quand il a entendu que Abu Basir et a émigré vers le Médina, il a envoyé un homme au prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel, et il lui, avec un écrit dans lequel, yani avec un message, dans lequel il lui demandait de respecter son engagement vis-à-vis d'eux, et de renvoyer Abu Basir avec les deux hommes qu'il a envoyés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé à Abu Basir, radiallahu anhu, qui est venu musulman, il lui a demandé de retourner avec eux. Et c'est ce que Abu Basir, radiallahu anhu, a fait. Et il est sorti avec eux, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Dhul Hulayfa. Ils sont arrivés à Dhul Hulayfa, yani le miqat de Medina, l'endroit à partir duquel on commence les rituels du pèlerinage et de l'umra. Quand ils sont arrivés à cet endroit, les deux hommes se sont arrêtés, et, yani pour se reposer et pour manger des dattes qu'ils avaient. Abu Basir, radiallahu anhu, a dit à un des deux hommes, il a dit, ton épée est belle et forte. Et quand il lui a dit ça, ça lui a plu. Il y en a les Arabes et les épées. Les Arabes, c'est les épées et les chevaux. Et la plupart des poèmes, quand vous lisez les poèmes des Arabes d'avant l'islam, Shu'ara al-Jahiliyun, vous trouvez que souvent le sujet, c'est l'épée ou le cheval, ou yani le cheval ou le chameau, yani les montures de manière générale, mais bien évidemment que le cheval, il avait un statut beaucoup plus élevé que celui du chameau. Malgré que dans beaucoup de poèmes de Jahiliyin, de ceux d'avant l'islam, il parlait beaucoup du chameau. Il décrivait les chameaux, il décrivait les qualités, les catégories, ainsi de suite, et les épées également, et il citait les différents noms de l'épée, et ainsi de suite. Sinon, le troisième sujet favori, c'était les femmes. C'était les femmes. Donc, la plupart de leur poésie, c'était autour de ces sujets-là. Donc, ça lui a plu quand il a complimenté son épée et il l'a sortie. Il lui a dit, regarde. Il lui a dit, t'as raison. Cette épée, je l'ai essayée à plusieurs reprises. Et elle est efficace. Et elle est efficace. Il lui a dit, fais-la-moi voir. Fais-moi voir ton épée. Il lui a donné. Et dès que Abu Basir radiallahu anhu a fait prise de cette épée, il l'a frappé avec, il l'a tué. Quand il l'a tué, le deuxième a pris la fuite jusqu'à ce qu'il est arrivé vers le Médina. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il est arrivé en courant, il a dit, لقد راى هذا ذعرا. Il a dit, celui-là, il a vu quelque chose qui fait très peur. Et quand il est arrivé jusqu'au prophète, Il lui a dit, il a tué mon compagnon et par Allah il va me tuer moi aussi. Et Abu Basir est arrivé derrière lui. Il lui a dit au messager d'Allah, t'as tenu ta promesse vis-à-vis d'eux et tu m'as rendu à eux et Allah m'a sauvé d'eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٍ. Il a dit malheur à sa mère. Et bien évidemment, il y a des expressions comme ça chez les Arabes. Ils les disent, ils ne veulent pas le sens apparent. Quand il dit malheur à sa mère, ce n'est pas une invocation contre sa mère. Mais c'est une expression pour attirer l'attention. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, cet homme que Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément. Il lui a dit, فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا Mu'ad. Que ta mère te perde. Bien évidemment, c'est pas ça le sens qui évolue. Ça, c'est le sens littéral. Mais ce sont des expressions que les Arabes utilisaient pour attirer l'attention ou pour montrer l'importance de la chose ou la gravité de la chose selon le contexte. Mais en tout cas, c'est des expressions dont le sens propre n'est pas voulu. D'accord ? Donc il a dit Mis'ar harb. Il a dit yani c'est quelqu'un qui attise le feu de la guerre. Qui attise le feu de la guerre, un tisonnier de feu de guerre. Yani il alimente le feu de la guerre. Si seulement il avait quelqu'un avec lui. Si seulement il avait quelqu'un avec lui. Est-ce que c'est si seulement il avait quelqu'un avec lui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a voulu faire comprendre à Abu Basir un message yani dans le sens yani s'il pouvait se regrouper avec d'autres dans le même cas comme lui ou yani le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire que si jamais ils étaient plusieurs, ils auraient été la cause de la rupture du pacte que les musulmans ont avec Quraysh. J'ai pas eu le temps de vérifier lesquelles des deux compréhensions est la plus juste, mais en tout cas, j'ai entendu la première de certains chouyours et la deuxième également. En tout cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit malheur à lui, malheur à sa mère. Ah, il attise le feu de la guerre. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça de lui, quand Abu Basir a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait le rendre à Quraysh une deuxième fois. Si jamais il le réclame. Et bien évidemment, ils l'ont réclamé sans avoir tué qui que ce soit. Que dire quand il a tué? Ils vont le réclamer. Là, s'ils l'ont, bien évidemment, ils vont le tuer directement. C'est pour ça que Abu Basir, radiallahu anhu, après cela, il est parti. Mais il était plus sous la responsabilité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a sorti de sa responsabilité. Il l'a rendu à Quraysh. Donc, même chez Quraysh, c'était compris comme ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas responsable de Abu Basir radiallahu anhu, n'est pas responsable de ses actes. Abu Basir est responsable de lui-même. Et c'est pour ça que Abu Basir radiallahu anhu, il est sorti, il est parti vers Sayf al-Bahr. Sayf al-Bahr, c'est la côte de la mer, c'est vers ce qui s'appelle aujourd'hui Jeddah. Donc, à une petite distance de Mecca. 70 bornes, et en plus, cet endroit, c'était le passage de toutes les caravanes commerciales de Quraysh. Et il s'est installé à cet endroit, dans les montagnes, il est resté là-bas. Et les Mekkois, les musulmans, les démunis parmi les musulmans de Mecca, comme Abu Jandal, radiyallahu anhu, le fils de Suhail ibn Amr, qui a conclu le pacte avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, et que Abu Jandal est venu vers les musulmans et vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu. Et son père, Suhail ibn Amr, a exigé qu'il soit rendu. Sinon, il n'y aurait pas de pacte. Le Nabi Islam a essayé de négocier pour faire exception de Abu Jandal, mais Suhail ibn Amr a refusé. Donc, Abu Jandal radiallahu anhu était encore à Mecca, sous la torture. Et quand il a entendu ce que Abu Basir a fait, et c'est arrivé aux oreilles des démunis parmi les musulmans à Mecca, ils ont tous fui, ils ont rejoint Abu Basir radiallahu anhu. Et ils ont fermé une bande. Yani, à peu près une quarantaine de personnes. Ou plus. Et ils se sont installés à cet endroit sur la route de toutes les caravanes commerciales de Quraysh. Et à chaque fois qu'ils entendaient l'arrivée d'une caravane commerciale, ils l'interceptaient, ils prenaient tout ce qu'il y a dedans comme bien et tuaient tous ceux qui sont dans la caravane commerciale. Ils ont fait ça jusqu'à ce qu'ils ont fatigué Quraysh. Ils ont fatigué Quraysh parce que là, c'est pas une ville, c'est pas une tribu à laquelle Quraysh va s'attaquer. Ça, c'est une bande de gens qui sont regroupés dans des endroits, dans des montagnes, inaccessibles en général. C'est très très difficile. C'était très très difficile pour Quraysh au point où ils ont envoyé leurs messagers pour supplier le Nabi alayhi salatu wa salam et lui rappeler les liens de famille qu'il y avait entre eux et lui et le supplier pour annuler cette condition et accepter tous ceux qui veulent venir vers lui yani, et qui veulent migrer vers le Nabi alayhi salatu wa salam. Et ensuite Nabi alayhi salatu wa salam a envoyé un message à Abu Basir radiallahu anhu et ses compagnons, et il leur a demandé de rejoindre le Madina, car la condition était annulée. Subhanallah, regardez comment cette condition que certains compagnons radiallahu anhu voyaient au début comme une humiliation, c'est devenu une des plus grandes causes de l'humiliation de Quraysh. Et un premier triomphe pour le musulmin. C'est pour ça, comme disent les savants, إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلِ. Dans le sens, quand les textes arrivent, ou là, d'abord littéralement, quand le fleuve d'Allah arrive, le fleuve de Ma'qil, est annulé. Le sens, quand les textes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le Coran ou la Sunna authentique, alors il n'y a plus à chercher à émettre d'autres avis ou discuter, il faut juste comprendre ce qu'Allah veut de nous et le mettre en pratique. Et ensuite Allah Azza wa Jal a révélé sa parole, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adhfarakum alayhim wa kana Allah bima ta'maluna basira. C'est lui qui dans la vallée de Mecca a repoussé loin de vous leurs mains, yani les mains des ennemis, et a repoussé loin d'eux les vôtres après vous avoir fait triompher d'eux. Allah est de ce que vous faites lucide. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal a parlé de l'hamiyya, de hamiyya al-jahiliya. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Lorsque ceux qui ont mécru furent pris de la fureur aveugle et partisane, fureur des temps de l'ignorance, Allah fit descendre la quiétude sur son messager. La fureur partisane ici, c'est le fait de ne pas avoir reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir rejeté l'écriture du nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman, et d'avoir empêché les croyants d'accomplir l'Umrah. Tout ça, c'était de leur fureur partisane et aveugle, leur fureur des temps de l'ignorance de la période anté-islamique. Ensuite, Allah Azzawajal a dit dans le sens approximatif, Allah fit descendre la quiétude sur son messager et sur les croyants. Il les tint engagés envers la parole de piété. Eux qui ont été les plus dignes et qui ont été les plus méritants, Allah est lui omniscient. Donc ça, c'est par rapport à cette histoire, et on va commencer notre cours d'aujourd'hui, la partie d'aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, avec la bataille de Hunayn, Ghazwat Hunayn. Donc, comme on a vu après la conquête de Mecca, qui a eu lieu dans le mois de Ramadan, l'année 10 de l'Hégire, directement après que le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam ait terminé la conquête de Mecca, il s'est dirigé vers Hunayn. Il s'est dirigé vers Hunayn, car il avait entendu, alayhi salatu wassalam, que les tribus de Hawazin se sont rassemblées sous le commandement de leur chef, Malik ibn Auf al-Nadri. Il avait 30 ans à cette époque. Et ce sont, yani, les ont rejoints également les Thaqif. Donc tout ça, c'est les tribus autour de Taif. Taif et ses alentours. Et c'est parmi les grandes tribus arabes. Hawazin. Et c'est là où le Nabi alayhi salam a été allaité par Halim al-Sa'diya. Et les ont rejoints également d'autres tribus. De Banu Nasr, Banu Muawiya, Banu Jusham, Banu Sa'd ibn Bakr. Banu Sa'd ibn Bakr, c'est la tribu exactement dans laquelle a été allaité le Nabi Isa salam. Donc le Nabi Isa salam, après avoir terminé avec la conquête de Mecca, il est resté à Mecca 19 jours exactement. Après sa conquête. C'est-à-dire qu'il est sorti pour Hunayn dans le début du mois de Shawwal. Dès qu'il a fini, il est sorti vers Hunayn. Hunayn, c'est le nom d'une vallée. Hunayn, c'est le nom d'une vallée qui se trouve entre Mecca et Taif. Et il est rapporté également que les tribus de Hawazin et Thaqif, ils avaient commencé à préparer pour combattre le Nabi Isa salam dès qu'ils ont su qu'il est sorti de Medina. Et ils pensaient qu'ils voulaient les combattre eux, et non pas Quraysh. C'est pour ça, dès ces moments-là, ils ont commencé à se préparer. Et jusqu'à ce qu'ils ont réussi à rassembler une armée dans laquelle, comme a rapporté le Waqidi, il y avait 20 000 hommes. 20 000 hommes. Ils ont rassemblé une armée de 20 000 hommes. Et ils ont sorti avec eux dans cette bataille tout le bétail qu'ils avaient. Et toutes leurs femmes et leurs enfants, ils sont tous sortis. Et ça, c'était l'idée de Malik ibn Auf al-Nasri. C'est lui qui leur a donné cette idée-là pour qu'ils ne prennent pas la fuite. Et ils ont ramené avec eux la tribu de Banu Jusham qui a participé, a ramené avec elle son chef qui s'appelle Durayd ibn Simma. Durayd ibn Simma, qui était un homme extrêmement âgé, très très âgé. Mais c'est un homme très connu pour son expérience dans les guerres. et sa maîtrise des stratégies de guerre. Ils l'ont ramené avec eux sur une monture à lui seul dans un haoudaj. Ils lui ont mis un haoudaj sur sa monture. Le haoudaj, comme on a vu, c'est comme une litière au-dessus de la monture afin de protéger la personne du soleil, du sable, ou là des regards si c'est une femme, et ainsi de suite, pour plusieurs raisons. Donc ils l'ont mis sur son haoudaj, sur sa monture, et ils l'ont ramené non pas pour combattre, parce qu'il était très très âgé, mais ils l'ont ramené pour prendre ses avis. Et pourtant, ils n'ont pas pris en compte ses avis. Quand il a entendu ce qu'il leur a dit Malik ibn Awf al-Nasri, le chef de Hawazin et le roi dans cette bataille, quand il a entendu ce qu'il a dit Malik ibn Awf, il a blâmé son avis. Il a rabaissé son avis. Il a dit que c'était pas un bon avis. Et il a justifié. Il a dit, si vous êtes vaincu, yani si vous gagnez, c'est pas ces femmes et ce bétail et ces enfants qui vont vous aider dans la victoire. Si vous gagnez, c'est parce que vous avez fait les efforts qu'il fallait. Et si vous perdez, alors sachez que celui qui est vaincu, il n'y a rien qui l'empêche de prendre la fuite. Quand il voit la mort devant lui, il pense ni à sa femme ni à son bétail. Et justement, Malik ibn Awf, il a ramené tout ça pour que les gens ne prennent pas la fuite et pour qu'ils résistent. Parce que pour un arabe, il fuit, il laisse derrière lui sa femme et ses enfants qui seront emprisonnés par le muslimin et sa femme, elle sera prise par d'autres hommes dans le butin de guerre. Donc, yani, c'était ça son idée. Mais Doraïd a vu que c'était pas une bonne idée et qu'il fallait pas le faire. Et il les a incités à combattre le muslimin, yani, dans la région de Hawazin et de ne pas sortir à la rencontre des muslimin. Donc, regardez les deux idées qu'il leur a données qui étaient des bonnes idées. Et ça démontre, yani, ça prouve bien ce que les savants ont dit par rapport à cet homme et qu'il avait une bonne maîtrise des stratégies de guerre. Yani, combattre dans le terrain auquel tu es habitué et que tu connais bien et que tu maîtrises, c'est pas aller combattre sur des terrains, yani, que tu découvres pour la première fois. Mais ils l'ont pas écouté et Malik ibn Awf, quand il a vu qu'il commençait à vouloir suivre l'avis de Doraïd ibn Simma, il les a menacés. Il leur a dit, ou bien vous me suivez, sinon je vais me donner la mort. Et effectivement, ils l'ont suivi. Ils ont délaissé l'avis de Doraïd ibn Simma. Suite à ça, Doraïd ibn Simma, il a dit, هذا يوم لم أشهده ولم يغيب عني. Il a dit, ça c'est un jour dans lequel j'ai pas participé. Il y a un jour de combat. Ça, c'est un combat dans lequel j'ai pas participé. Parce qu'il était âgé, il était plus capable de combattre. Et il a dit, et c'est également un combat que j'ai pas loupé. J'ai rien loupé. C'est, vous rentrez avec une défaite dès le départ. Le Nabi Isa al-Salam a envoyé un compagnon pour espionner l'armée de Hawazin et savoir ce qu'il faisait. Il s'appelle Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami, radiyallahu anhu. Et effectivement, il est sorti, il a accompli sa mission à la perfection, radiyallahu anhu. Il est parti, il a passé une journée ou deux avec Hawazin, il a su leurs plans et il les a rapportés au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a informé le Nabi, alayhi salatu wassalam, parmi ce qu'il lui a dit, comme ceci est rapporté dans Sunan Abi Daoud et un hadith authentique, il a dit au prophète, ils sont sortis avec leurs enfants et leurs femmes et leur bétail. Quand il a dit ça au prophète, le Nabi a souri, a dit, Ça, c'est le butin des musulmans demain, inshallah. Dans ce combat, le Nabi Issa salam a emprunté des armatures et de l'argent et des chameaux à des mécréants qui étaient encore sur la mécréance, notamment Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, je ne sais pas si je l'ai cité, mais en tout cas Safwan ibn Umayya, il fait partie de ceux qui ont pris la fuite, quand Nabi Issa salam a conquis Mecca. Il a pris la fuite et il a fui Mecca, malgré que lui, c'était pas parmi ceux dont Nabi Issa salam a rendu le sang licite et a ordonné de le tuer de toute façon. Mais il a su que c'est un des ennemis de Nabi Issa salam, Safwan ibn Umayya. Umayya ibn Khalaf, son père, c'est une des têtes de la mécréance qui a été tuée dans Badr. Et lui également, c'était un grand ennemi de Nabi alayhi salam. Donc il a pris la fuite. Quand son copain avant l'islam, qui s'appelle Umayr ibn Wahb, celui qui était venu pour tuer Nabi alayhi salam à Médine, et il avait ramené l'épée qui lui a été donnée par Safwan ibn Umayya, son ami, pendant qu'il buvait l'alcool, une soirée, Umayr était dégoûté de la vie après la mort de la plupart des dignitaires de Quraysh. Il a exprimé ça à Safwan. Il lui a dit, si seulement quelqu'un pouvait s'occuper de mes enfants après moi, je serais parti pour tuer le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de son plan et de ce qui s'est dit entre lui et Safwan, et il est entré dans l'islam. Donc Umayr ibn Wahb, regardez, subhanallah, l'amitié profitable. Ça, c'est deux hommes qui étaient liés d'une amitié avant l'islam. Umayr ibn Wahb et Safwan ibn Umayya. Donc, Umayr, quand il a su que Safwan a pris la fuite, il est parti voir Nabi Issa salam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, le maître de notre peuple, de notre tribu, qui est Safwan ibn Umayya, a fui. Il est parti pour se donner la mort dans la mer. Et il a eu peur que tu lui donnes pas l'assurance et la sécurité et que tu le tues. Nabi Issa salam, il a demandé au prophète Issa salam de lui donner ce qu'il a donné au Mekwa. Yani que celui qui rentre dans la maison de Abu Sufyan est à l'abri. Yani cette assurance de ne pas se faire tuer du moment qu'il ne combatte pas l'islam. Nabi Issa salam lui a dit, je lui ai donné. Et Umayr est parti vite vers Safwan, jusqu'à ce qu'il l'a eu, yani, avant de prendre la mer, yani le bateau, et il l'a informé. Quand Safwan l'a vu, il était avec un serviteur à lui, et c'était le seul qui restait avec lui. Alors que c'est un homme très riche, yani, entouré d'esclaves, et de servants, et de servantes. Il ne restait avec lui qu'un seul homme. Il lui a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Umayr. Il a dit, je ne pense pas qu'il est venu pour autre chose que pour me tuer, car il s'est allié à Mohammed. Et Umayr l'a poursuivi ensuite, et il lui a dit, Safwan, t'es venu pour me tuer? Il a dit, ya Aba Wahb, regardez les termes. Il l'a appelé par sa kunya. Il lui a dit, je suis venu te voir de la part de l'homme le plus pieux et de l'homme qui respecte le plus ses paroles. Il lui a dit, je lui ai demandé de te donner l'assurance de ne pas te tuer, la garantie de ne pas te tuer. Il a accepté. Alors reviens avec moi. Il lui a dit, Safwan, je ne partirai pas avec toi jusqu'à ce que tu me ramènes une preuve qu'il a donné cette garantie. Et Umayr est reparti. Regardez, il va repartir une deuxième fois voir Nabi Issa salam et il lui a demandé de lui donner une preuve. Nabi Issa salam lui a donné son turban avec lequel il a conquis Mecca, le turban noir. Et il est reparti une deuxième fois voir Safwan ibn Umayya, et il lui a montré le turban, et là il était rassuré, et il est rentré à Mecca. Et quand il a parlé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam. Safwan a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un délai de réflexion. Il lui a dit, donne-moi 2 mois pour réfléchir. Après, je déciderai de mon affaire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te donne quatre mois. Un homme qui faisait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il peut le tuer et se débarrasser de lui. Non seulement il lui donne un délai, mais il lui augmente plus que le délai qu'il a demandé. Et Safwan, il fait partie de ceux qui sont sortis avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Hunayn et dans la bataille de Taif en étant mécréant. Il est sorti avec lui, mais il n'a pas combattu. Mais il observait. C'était des gens qui étaient encore mécréants. Et c'est rapporté, comme on va voir dans la bataille de Hunayn, dans son début, où beaucoup de compagnons ont fui, et on va expliquer les raisons. En tout cas, quand il y a eu ce début de bataille, et que c'était comme si Hawazin allait l'emporter, le frère de Safwan, qui était à côté de lui, et qui s'en sortit tous les deux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Hunayn, il lui a dit une parole qui laisse entendre que Hawazin vont dominer. Safwan l'a blâmé. Il lui a dit, malheur à toi, que je sois gouverné par un arabe pur de Quraysh est meilleur pour moi que d'être gouverné par des bédouins. C'est pas pour l'islam. Mais être gouverné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un descendant de Ismaïl, c'est pas comme être gouverné par des bédouins, les Hawazin. C'est pas, comme on a vu, Quraysh a la particularité, cette tribu, c'est que ce sont les descendants directs de Ismaïl alayhi wa sallam. Et ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après la fin de la bataille de Hunayn et de Taif, quand il a commencé à distribuer les butins, la plupart des butins qui étaient extrêmement riches, un très très riche butin, la plupart ont été donnés à des hommes comme Safwan ibn Umayya. Et c'était une façon de leur faire da'wah. Regardez, on va se limiter à cet exemple de Safwan ibn Umayya, comme on a parlé de lui. Safwan ibn Umayya, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a partagé les butins, il l'a vu regarder une vallée entre deux montagnes qui était remplie de bétail. Remplie de bétail. Des chameaux, des brebis, de tout. Et Safwan ibn Umayya contemplait cette vallée et l'abondance de ses biens. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu regarder ça, il lui a dit, est-ce que t'aimes, il l'a appelé par sa kunya, Abu Wahb, Ya Abu Wahb, est-ce que t'aimes ce qu'il y a dans toute sa vallée? Il a dit oui. Il a dit, alors il est pour toi. Quand il lui a donné tout ça, Safwan a dit, jamais un homme ne peut donner un don aussi abondant que celui-là, sauf si c'est un prophète. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Et il est entré dans l'islam instantanément. Il est entré dans l'islam instantanément. Comme ça a été rapporté par le Waqidi. Il a cité le Hafid ibn Hajar, cette histoire, l'a cité également dans son livre l'Isaba. Dans son livre l'Isaba. Une autre histoire d'amitié, malgré que je voulais finir aujourd'hui, mais qu'Allah nous le facilite. Une autre histoire d'amitié. Là, c'est des histoires, subhanallah. Quand on a des amis qu'on a connus avant l'islam, avant sunnah, regardez ces hommes, comment ils se comportent avec leurs amis d'avant l'islam. Deux hommes également, avec une histoire similaire à Safwan et Umayr ibn Wahb, c'est le très grand compagnon Abu Dharr al-Ghifari, avec un ami à lui avant l'islam qui s'appelle Huwaytib ibn Abd al-Uzza. Quand le Nabi a conquis Mecca, Huwaytib a fui. Et il avait très peur que le prophète le tue. Et Abu Dharr, radiallahu anhu, a dit qu'il y avait entre lui et Huwaytib une amitié, une grande amitié. Et quand il l'a vu fuir, Abu Dharr l'a suivi, il lui a dit, qu'est-ce que t'as, ya Huwaytib? Il a dit, j'ai peur. Il lui a dit, tu ne crains rien aujourd'hui. T'as la garantie d'Allah et de son messager. Et ensuite, Huwaytib, c'est Huwaytib lui-même qui raconte l'histoire. Il a dit ensuite, je suis venu, j'ai passé salam à Abu Dharr, mon ami avant l'islam. Et Abu Dharr lui a dit, retourne dans ta maison et aucun mal ne te touchera, comme le Nabi Issa a dit. Il lui a dit, comment arriver à ma maison sans me faire tuer? Si un musulman me voit, il va me tuer directement. Et en plus, il lui a dit, mes enfants et ma famille sont éparpillés. Comment les rassembler déjà et comment aller ensuite à ma maison? Et Abu Dharr, radiallahu anhu, l'a accompagné dans ses deux missions. Il l'a aidé à regrouper tous les membres de sa famille et ensuite il l'a accompagné jusqu'à sa maison. Et quand ils sont arrivés à leur maison, à la maison de Huwaytib, et Abu Dharr ensuite est parti voir Nabi Islam, il lui a dit, au messager d'Allah, donne l'assurance et la garantie à Huwaytib que personne ne le tuera. Nabi Islam lui a dit, en s'exclamant, yani, j'ai donné ça à tout le monde, excepté les quelques hommes que j'ai nommés. Et Huwaytib n'en fait pas partie. Et là, Huwaytib a été rassuré, et Abu Dharr lui a rendu visite, et il lui a parlé de l'islam, il lui a fait da'wah à l'islam. Il lui a dit, t'as été devancé de beaucoup de bien. C'est-à-dire, toutes les batailles dans lesquelles t'as pas participé, tout le bien que t'as loupé jusqu'à maintenant, mais il lui a dit, il reste encore beaucoup de bien. Alors, viens avec moi, et entre dans l'islam. Et on va visiter le Nabi Issa al-Salam. Il lui a dit, car le prophète Issa al-Salam, c'est le plus pieux et le meilleur des hommes et le plus bon de tous les hommes, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, il est indulgent, il est patient, il va pas te faire de mal, il va pas se venger pour sa personne. Et il lui a rappelé également que la force du prophète alayhi salam, c'est ta force. T'es des siens, t'es de sa famille. Et subhanallah, Huwaytib s'est adouci avec toutes ses paroles et sa poitrine s'est ouverte, son cœur s'est ouvert pour l'islam. Et il est parti voir le Nabi Issa al-Salam, effectivement, et il est entré dans l'islam. Et quand il est arrivé auprès du prophète Issa al-Salam, il y avait chez lui Abu Bakr et Omar. Huwaytib a demandé à Abu Dharr, il lui a dit, comment vous lui passez salam? Il a dit, on lui dit, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit au prophète Issa al-Salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Nabi Issa al-Salam lui a dit, wa alayka assalamu Huwaytib. Et Huwaytib a dit tout de suite, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Le prophète Issa al-Salam a dit, il a dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah et que t'es le messager d'Allah. Le prophète Issa al-Salam lui a dit, alhamdulillah illadhi hadak. Alhamdulillah. Les louanges à Allah qui t'a guidé. Et Nabi Islam a été très très joyeux et très heureux de l'islam de Huwaytib. Et il lui a demandé par la suite de lui prêter de l'argent. Et il lui a prêté 40 000 dirhams pour l'aider dans la bataille de Hunayn. Et il fait partie des hommes à qui Nabi Islam a donné beaucoup, une grande partie du butin. Sans parler de la dette. La dette a été remboursée à part pour tous ceux qui ont prêté Nabi Issa au salam. Et de ces histoires et d'autres similaires, les savants ont pris qu'il était autorisé de demander l'aide à un mécréant quand il n'y avait pas autre solution en dernier recours. C'est pour ça qu'on a vu que Nabi Issa salam a refusé l'aide de certains associâtres avant, mais ici il a accepté. Donc, quelle est la bonne compréhension? C'est qu'il a refusé là-bas, pas parce que c'est pas autorisé. C'est autorisé. Mais il a refusé pour une autre sagesse. Et on a vu que ceux à qui le Nabi Islam a refusé, ils sont tous entrés dans l'islam. Et ceux-là, il n'a pas refusé. Il a, même c'est lui qui a demandé. Et il les a remboursés directement après la bataille de Hunayn. Et il leur a donné à tous, à ceux qui ont aidé, malgré qu'ils étaient encore mécréants. Il leur a donné, alayhi salatu wassalam, du butin. On va voir combien il leur a donné. On a vu déjà combien il a donné à Safwan ibn Umayya. Les autres, on va voir, au cours de cette bataille. Donc, le Nabi alayhi salam est sorti pour cette bataille avec les 10 000 hommes qui sont venus avec lui de Mecca, de Médina, avec lesquels il a conquis Mecca. Les 10 000 hommes parmi les Médinois et les immigrés. L'Ansar al-Muhajirin. Et il est sorti également avec 2 000 parmi ceux qui sont entrés dans l'islam le jour de la conquête de Mecca. Suite à la conquête de Mecca, il y a 2 000 hommes qui sont sortis avec lui. 2 000 hommes qui sont sortis avec lui. Donc, son armée était de 12 000. 12 000 contre 20 000 parmi Hawazin. Nabi alayhi salam est sorti dans le mois de Shawwal de l'année 8. Il a laissé sur Mecca comme responsable Attab ibn Asid, ibn Abi al-Is, ibn Umayya, ibn Abd al-Shams. Et il avait que 20 ans. Subhanallah, vous voyez, allez, ces hommes, ils rentrent dans l'islam. Quelques jours, Nabi al-Islam, il les désigne comme des responsables. Là, c'est des hommes qui avaient des grandes qualités avant l'islam. Et dès qu'il entre dans l'islam, il est prêt. Dès qu'il entre dans l'islam, il est prêt. Et parmi les choses importantes qui sont liées au Aqidah, qui ont eu lieu dans cette bataille, c'est l'histoire qui a été rapportée par Abu Waqid al-Layti. Abu Waqid al-Layti, radiallahu anhu. Cette histoire a été citée par l'imam Ahmad dans plusieurs de ses livres, Kitab Tawhid, Masail al-Jahiliya et d'autres. Donc, ils sont sortis et quand ils sont passés devant un jujubier, un grand arbre, et c'était un jujubier, Sidra. Et cette Sidra avait une particularité, c'est que le mouchriquine accrochait leurs armes et attachait leurs armes sur cet arbre en cherchant bénédiction. Et ils croyaient, ils avaient des croyances, que l'arme, quand tu l'accrochais à cet arbre en particulier, elle devient plus forte, plus forte et plus coupante et plus tranchante. C'est une source de baraka. Il croyait que c'était une source de baraka, une source de bénédiction. Et quand certains parmi ceux qui étaient nouveaux dans l'islam et qui venaient d'entrer dans l'islam, comme les a décrits Abu Waqid al-Layti radiyallahu anhu, ils étaient novices dans l'islam. Ils viennent d'entrer dans l'islam. Donc, ils ont pu ignorer certains détails, comme celui-là. C'est ça qui les a poussés à demander au prophète, mais ils n'ont pas fait. Ça, c'est une remarque très importante dans cette histoire. Ils n'ont pas agi directement. Ils savent que tu dois revenir au prophète, et tu ne dois pas adorer Allah comme bon te semble, selon tes passions. Tu dois te conformer aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait, mais ils ont demandé au prophète alayhi salam une chose interdite. Ils lui ont dit au messager d'Allah, donne-nous ij'alna dhat anwad, donne-nous un arbre sur lequel on attache et on accroche nos armes, comme le kuffar, ils ont un arbre sur lequel ils attachent, ils accrochent leurs armes. Nabi alayhi salam, yani, a dit subhanallah, a purifié Allah, a dit gloire à Allah, a purifié Allah de cette demande. Il a dit, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. Le hadith est authentique. Donc de hadith Abi Waqid al-Layfi radiyallahu anhu. Donc Nabi alayhi salam il leur a dit, vous avez dit par celui qui tient mon âme dans sa main, comme ont dit les Banu Israël, les fils d'Israël à Moussa alayhi salam, ils lui ont dit, donne-nous une divinité comme les leurs. Et dans la suite du verset, Moussa alayhi salam a dit, قال إنكم قوم تجهلون. Il a répondu en disant, vous êtes manifestement des gens ignorants. Et le Nabi alayhi salam a dit ensuite, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Certes, vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous, les juifs et les chrétiens. Dans une riwaya, les juifs et les chrétiens. Et les compagnons, radiallahu anhum, qui avaient demandé ça, c'était des compagnons qui étaient nouveaux dans l'islam. Qui étaient nouveaux dans l'islam et qui ne connaissaient pas l'interdiction de cette chose-là. Mais malgré ça, constater qu'ils avaient compris déjà le principe du suivi. Donc le principe de la sincérité et le principe du suivi que beaucoup de musulmans n'ont pas compris encore aujourd'hui, cela ils le savaient déjà. Après les détails et de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé, ça demande al-ilm wa ta'allum. C'est pour ça une demande comme ça n'émanera jamais d'un sahabi, yani parmi les ansar ou parmi ceux qui sont entrés dans l'islam avant. Radiallahu anhum tous, qu'Allah agrée tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est par rapport à cette histoire que il y a eu des erreurs chez, yani, même chez certains hommes de science. Yani, quand ils ont parlé de ce récit. Et le mieux, c'est de rester dans ce qu'on a cité. C'est comme ça que nous savons, alhamdulillah, qui ont réfuté les erreurs par rapport à ce récit. Yani, il y en a qui ont profité de ça et qui ont fait ça, que ce soit exprès ou même si c'est pas volontaire, mais ils ont utilisé des termes qui ne conviennent pas aux compagnons, radiallahu anhum tous. Mais en se limitant à ce qui est rapporté dans le hadith, alhamdulillah, il n'y a aucun mal. Ensuite, Nabi alayhi salam s'est dirigé vers Hunayn. Et comme on a vu, Hunayn, c'est une vallée parmi les vallées de la région de Tihama, en dessous de Mecca. Yani, c'est une vallée dans laquelle il y a une pente, une descente. Et Hawazin était arrivé avant les musulmans dans cet endroit. Ils attendaient les musulmans là-bas. Le Nabi alayhi salam et les musulmans sont arrivés après. Et le Nabi alayhi salam est entré dans cette vallée dans laquelle se déroulera la bataille de Hunayn, d'où le nom de la bataille. Il est entré avant le lever du l'aube. Yani, il faisait encore noir. Et les musulmans ont été surpris de l'attaque de Hawazin. Ils ont attaqué les musulmans pendant qu'il faisait encore, yani, sombre. Ils ont attaqué les musulmans comme un seul homme. Tous d'un coup, comme il leur a dit, leur chef, Malik ibn Awf al-Nasri. Ils ont attaqué les musulmans d'un coup, tous. Et c'est pour ça, suite à cette surprise qui a créé un état de panique dans l'armée des musulmans, l'armée des muslimines se sont dispersées et ont fui. Ils ont fui, vous imaginez, ils ne voient pas, et d'un coup ils ont Hawazin qui les combattent, d'un coup. C'est pour ça, radiallahu anhum, la plupart d'entre eux ont fui. Et subhanallah, dans cette bataille, on a vu que le nombre des muslimines était de 12 000. Et certains parmi les muslimines ont dit ce jour-là, aujourd'hui ne seront pas vaincus à cause de notre petit nombre. Parce que les muslimines jusqu'à présent, ils ont dominé leurs adversaires en étant des fois un dixième de leur nombre, ou là même moins, ou là un peu plus. Et là, ils sont 12 000. Jamais les muslimines ne sont sortis dans une armée aussi grande que celle-là pendant le vivant du prophète alayhi salam jusqu'à ce jour. C'est pour ça que certains ont dit « Lan nughlaba al-yawma min qilla ». Aujourd'hui, ne seront pas vaincus à cause de notre petit nombre. Donc, la plupart des compagnons et la plupart des muslimines ont tourné le dos à Hawazin et ont fui. Mais le Nabi Isa salam, qui était ce jour-là sur un mulet blanc, qui s'appelle Duldul, qui lui a été offert par le Muqawqis, avec Marie al-Qibtiya, il était sur son mulet. Il dit, c'est pas un cheval, c'est pas un chameau. Le mulet, c'est pas très pratique dans la guerre, c'est pas comme le cheval, qui est rapide. Il est lent, et il est plus petit en taille. Il était sur son mulet, alayhi salatu wassalam, et il a fait face à toute la tribu de Hawazin. Les 20 000, alayhi salatu wassalam, leur a fait face. Il n'est resté avec lui que quelques compagnons. Ça se compte sur les bouts des doigts. Qui ont résisté ce jour-là, qui sont restés avec lui, Abu Bakr, Umar, Ali, et son oncle l'Abbas, et son fils l'Fadl, et Qutham, le deuxième fils de l'Abbas, et Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. On a vu que Abu Sufyan, il est entré dans l'islam tardivement. Il est venu annoncer son islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Nana, c'est un homme, il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est son cousin, mais c'est un homme qui a fait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que Umm Salama ait intervenu, et à la cité du bien de Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est pas Abu Sufyan Sakhr ibn Harb qui est de Banu Umayya. Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est un Muttalibi. Il est de la famille directe du prophète, c'est son cousin. Ce jour-là, il a fait preuve d'un courage et il a été parmi ceux qui ont résisté aux côtés du prophète avec son fils Ja'far et quelques autres compagnons seulement. Cette petite poignée qui ont résisté et le Nabi sallam sallallahu alayhi wa sallam avec le courage qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, il a fait face à toute cette armée de 20 000. C'est des hommes qui ne craignent pas la mort et qui savent que la victoire est entre les mains d'Allah. Et il a résisté alayhi salatu wassalam et il a combattu avec ces quelques hommes qui sont restés avec lui. Et non seulement Nabi sallam a résisté, il a combattu, mais il donnait des coups à son mulet afin qu'elle avance vite vers l'ennemi. Et l'Abbas, qui tenait le mulet du prophète sallam par les rênes, il la tenait par sa bride, et il l'a retiré, il tirait les rênes du mulet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle avance pas. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que ça avance encore plus vite vers l'ennemi. Il disait, أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Je suis le prophète. Sans mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est un prénom qui n'est pas autorisé. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit ici pour informer d'une personne qui ne se connaît qu'avec ce nom. Et Abd al-Muttalib, c'est Shaybat al-Hamad. Shaybat al-Hamd. C'est Shaybat al-Hamd. C'est Abd al-Muttalib. Ensuite, Nabi alayhi salam a ordonné à l'Abbas, son oncle, il lui a dit, et l'Abbas c'était un homme qui avait une très forte voix, une haute voix, il lui a dit, appelle les gens, écris parmi les gens, et dit, Ya ma'shar al-ansar, yani rappelle-leur leur mérite et leur vertu pour qu'ils se rappellent. Là, avec la panique et ce qui s'est passé, yani la personne, yani elle tombe dans un état comme ce qui s'est passé ici. Radiallahu anhum. Et donc l'Abbas a commencé à dire « Ya ma'shar al-ansar ». Et ils ont entendu la voix de l'Abbas. Yani les ansars, ceux qui ont soutenu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait triompher le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ya ma'shar ashab al-shajara, ya ma'shar ashab al-samura ». Il a appelé ceux qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiyah, ceux qui ont fait le pacte d'allégeance en dessous de l'arbre de ce jujubier. Quand les musulmans qui avaient pris la fuite ont entendu cela, ils ont fait demi-tour. Et ils sont revenus vers Nabi alayhi salam. Ils sont revenus tellement vite que ceux qui n'arrivaient pas, vous imaginez, il y a combien de gens partent dans ce sens-là en fuyant. Toi, tu veux faire demi-tour, t'arrives pas à faire tourner ta monture. Ceux qui étaient dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus de leur monture et ils ont pris leurs armes, ils sont venus vers Nabi alayhi salam à pied. Et jusqu'à ce qu'ils se sont regroupés autour de Nabi alayhi salam, une centaine de personnes est revenue et les autres petit à petit sont revenus également radiyallahu anhum, et ensuite ils ont fait face à Hawazin et ils se sont combattus et la guerre s'est intensifiée entre les deux clans. Et Allah Azza wa Jal a jeté la peur dans les cœurs des Hawazin et le Nabi alayhi salam a pris une poignée de petits cailloux ou de terre selon les versions, une poignée de petits cailloux, il l'a jeté sur les visages de Hawazin. Et ça a touché, yani, tous les combattants de Hawazin. Tous, ils étaient touchés par cette poignée qui a été jetée par Nabi alayhi salam. Il ne restait pas un seul parmi eux qui n'a pas été touché. Et c'est ça, yani, le sens de ce verset qu'on a déjà vu dans la bataille de Badr, au sujet de laquelle il a été révélé qu'on Nabi alayhi salam a fait la même chose avec Kuffar Quraysh. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et lorsque tu as jeté une poignée de terre, ce n'est pas toi qui l'as jeté, mais c'est Allah qui l'a jeté. Dans l'explication de l'imam Ibn Sa'di, comme je vous avais rapporté là-bas également, pour comprendre le verset, quand tu as jeté cette poignée, bien évidemment, c'est Nabi alayhi salam qui l'a jeté. Mais c'est pas avec la force du prophète alayhi salam qu'il a pu atteindre les visages de tous ces hommes. Et qu'il a pu faire parvenir cette terre et ces cailloux dans les yeux de tous ces hommes-là. Mais c'est Allah qui l'a permis avec sa force et avec son omnipotence. C'est ça le sens de ce verset. C'est-à-dire l'acte, il est attribué au prophète alayhi salam. Mais le résultat est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset a été révélé par rapport à Badr. C'est pour ça l'imam Ibn Kathir il dit ici que ceux qui disent que ce verset c'est par rapport à ici, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais le sens est valable également. Et quand Nabi alayhi salam a fait ça, Et quand les musulmans ont combattu Hawazin était vaincu. Et ils ont pris tous la fuite d'un coup. D'un coup, ils ont tous pris la fuite. Et les croyants les ont suivis. Et ils en ont tué beaucoup parmi eux. Ils les suivaient, et ils tuaient, et ils prenaient en otage. Jusqu'à ce qu'ils ont tué énormément d'eux, et qu'ils ont pris énormément également parmi eux en otage. Et Sahaba sont revenus au prophète alayhi salam. Il n'y a pas un seul qui revenait sans avoir des otages. Et Nabi alayhi salam a pris tous leurs biens et leurs femmes et leurs enfants, tout a été pris en butin. Quand Hawazin ont été vaincus, il y a une partie d'eux qui se sont dirigés vers Autas. Autas, c'est un endroit qui se trouve également entre Mecca et Taif, une vallée, comme Hunayn. Mais ils se sont retirés vers cette deuxième vallée, dans laquelle se déroulera une deuxième bataille. Et d'autres sont partis vers Taif, vers la tribu de Thaqif. Ils sont entrés dans les bastions de Thaqif. Donc, Nabi alayhi salam a chargé une expédition avec à sa tête Abu Amir al-Ash'ari, qui s'appelle Ubayd, avec son cousin, son neveu, Abu Musa al-Ash'ari, sahabi qui est très connu. Comme on a vu qu'il est entré dans l'islam, il est parti au Yémen pour faire da'wa à sa tribu, l'Ash'ariyin. Et c'est Abu Musa al-Ash'ari qui portait l'étendard des croyants ce jour-là, dans la bataille de Autas, qui est une suite de Hunayn, combattre ceux qui ont fui. Et Nabi alayhi salam a ordonné de les poursuivre afin qu'ils ne se regroupent pas là-bas une deuxième fois. Ils forment une autre armée, ils viennent combattre les musulmans à nouveau. Effectivement, les croyants les ont poursuivis, avec une armée, les ont poursuivis. Ceux qui ont fui ce jour-là, ils étaient du nombre de 600 parmi les Hawazin, qui ont fui vers Autas. Les musulmans les ont poursuivis, ils ont tué la moitié. Ils ont tué la moitié de ces hommes, c'est-à-dire 300. Et ce jour-là, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui était dans cette expédition, c'est lui qui a tué Durayd ibn al-Simma. Ce vieillard qui a participé quand même dans la bataille, malgré son âge très avancé. Amma, s'il n'aurait pas participé, il ne serait pas tué. Car le musulman ne tue pas les personnes âgées, ne tue pas les femmes, ne tue pas les enfants, ne tue pas ceux qui ne combattent pas, et ainsi de suite. Ne tue pas les prêtres, les rabbins, les adorateurs qui se mettent à l'écart pour adorer Allah, même dans leur religion fausse, les musulmans ne les tuent pas. Ils ne tuent que les combattants, que ceux qui combattent parmi les ennemis. Et Abu Amir al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il avait tué à lui seul, d'une seule famille, 9 frères. Il a tué 9 frères d'une seule famille. Et il a combattu le dixième qui l'a jeté au niveau de son genou. Et c'était un coup qu'il a reçu, un coup mortel. Et c'était la cause de sa mort. Ensuite, Abu Musa al-Ash'ari a tué cet homme-là, le dixième frère de cette même famille. Et quand Abu Musa al-Ash'ari a informé le prophète alayhi salam de la manière dont a combattu Abu Amir, son oncle, et de son courage et de son bravoure dans cette bataille, Nabi alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et a fait dua en sa faveur. Et Abu Amir, c'est un des 4 qui ont été tués dans toutes ces deux, du côté des musulmans, dans ces deux batailles, Hunayn et Autas. Dans les deux, il n'y a eu que 4 morts parmi les musulmans. Le premier, c'est Abu Amir. Et le deuxième, c'est Ayman, Ibn Umm Ayman. Umm Ayman, c'est la nourrice du prophète, son fils, il s'appelle Ayman. On a parlé d'elle. Umm Ayman, l'Éthiopienne, radiyallahu anha, qui était mariée avec Zayd ibn Haritha, radiyallahu anha. C'est le prophète, qui l'a mariée à Zayd ibn Haritha. Et elle a eu de lui Ayman, qui a été tué ce jour-là. Parmi ceux qui ont été tués parmi les musulmans, Yazid ibn Zam'ah ibn al-Aswad. Et le quatrième, c'est Suraqa ibn al-Harith ibn Adi. Le quatrième, c'est un Ansari. Donc, 4 à qui Allah, yani 4 que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce jour-là avec le degré du martyr parmi les musulmans. Et il y a eu énormément de blessés dans les rangs des musulmans. Il y a eu énormément de blessés dans les rangs des musulmans. Yani, parmi les blessés, il y avait Omar et Abu Bakr et Uthman et Ali, les 4 califes bien guidés. Tous les 4, ils étaient blessés dans cette bataille. Mais les morts et les martyrs, il y en a eu 4. Par contre, du côté des mouchriquines, il y a eu énormément de morts. Vous avez vu que dans, rien que dans la deuxième partie de la bataille de Hunayn, qui s'est déroulée à Autas, il y a eu 300 morts. Et tous les autres prisonniers. Et c'est dans cette bataille que le Nabi Isa salam a annoncé aux compagnons pour la première fois un nouveau jugement. Car avant, comme vous avez vu, yani, quand tu tues un mouchrik, ça te donne pas le droit de prendre son butin. Yani, ce qu'il a sur lui, sa monture, ses vêtements, ses armes. Ça te donnait pas ce droit. C'est un butin qui doit être ramassé et partagé entre tous ceux qui ont participé dans la bataille. C'était ainsi. C'est pour ça, on a vu que même ce sahabi qui a servi le prophète alayhi sallam, quand il avait pris un seul manteau du butin avant qu'il soit partagé, le Nabi alayhi sallam, il a dit qu'il était châtié avec ce manteau et que ça, Allah l'a transformé en un manteau de feu et qu'il était châtié avec. Il a ordonné aux compagnons de prier sur lui, il a refusé de prier sur lui, alayhi sallatou wassalam, pour montrer la gravité de cet acte. Mais là, un nouveau jugement a été donné par le Nabi alayhi sallatou wassalam. Il a dit: Man qatala qatilan falahu salbuh. Celui qui tue un mécréant, il aura son butin. Et le butin ici, c'est pas le butin de toute la guerre, mais c'est le butin de cet homme, ce qu'il y a sur lui, sa monture, ses armes, ses armatures et ses vêtements également. Et ça a été dit dans l'histoire, yani l'histoire très connue de Abu Qatada radiyallahu anhu, qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, c'est que Abu Qatada, radiyallahu anhu, a tué un mushrik dans la bataille de Hunayn. Et après, quand le Nabi alayhi sallam a dit, celui qui tue un mushrik, ça lui appartient de prendre son butin. Abu Qatada, il a demandé aux sahaba, qui peut témoigner que c'est lui qui a tué cet homme, pour qu'il prenne son butin. Mais personne n'a témoigné. Et il l'a répété 3 fois. Il l'a répété 3 fois. Et le butin de ce mouchrik que Abu Qatada a tué, c'était un autre sahabi qui l'avait pris. C'était un autre sahabi qui l'avait pris. Et quand il a répété 3 fois, un sahabi est venu, il a dit au prophète alayhi sallam, ce que Abu Qatada a dit, c'est vrai au messager d'Allah. C'est lui qui a tué ce mouchrik. Mais moi, j'ai pris le butin. Mais c'est lui qui l'a tué. Alors donne-lui quelque chose pour le compenser. Comme ça, moi, je garde ce butin. Abu Bakr, qui était présent, il a dit, non, par Allah. Lui, il tue un ennemi d'Allah. Et toi, tu récupères le butin. Comme ça, il a dit, non. C'est lui qui le prend. Effectivement, c'est ce que le Nabi a dit. Et ce sahabi a rendu tout le butin à Abu Qatada radiallahu anhu. Et dans le butin, il y avait une armature, un dira. Rien qu'avec cette armature, c'est ce qui se porte au niveau du corps pour protéger des coups de l'ennemi. Rien qu'avec cette armature, Abu Qatada, il a dit qu'il l'a vendue et qu'il a acheté un verger de palmier avec. Et c'était le premier bien qu'il a eu dans l'islam. Le premier bien qu'il a eu dans l'islam, et c'était son capital pour la suite. C'est-à-dire tous les biens qu'il a eu par la suite, ça venait de ce capital qu'il faisait fructifier, radiallahu anhu. Avec cette armature, il a pu acheter un verger de palmier, radiallahu anhu. Voilà pour Hunayn, qadarallahu ma sha fa'al. On a tardé dans l'histoire de Abu Basir, mais je voulais finir aujourd'hui Ta'if, la deuxième partie, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a fini avec Ta'if, il est parti, il a assiégé ceux qui ont fui vers Ta'if. Il a assiégé Ta'if avec toute son armée, et c'est un siège qui a duré très longtemps, 40 jours dans les deux authentiques, une divergence, il y en a qui disent une quinzaine de jours, il y en a qui disent une vingtaine, mais dans les deux authentiques, ce qui est rapporté, c'est 40 jours. 40 jours, et suite à ce siège, moi même les détails, on va pas les citer maintenant, on va s'arrêter ici, bidnillah, et inshallah demain, on fera la bataille de Ta'if, et après la bataille de Ta'if, viendra la bataille de Tabouk. Comme je vous ai dit, la dernière bataille du prophète alayhi salam sallam contre les Romains. Mais Tabouk, c'est une bataille qu'on va voir rapidement, parce que c'est une bataille dans laquelle il n'y a pas eu de combat. Mais il y a eu des événements importants par rapport aux hypocrites, par rapport aux munafiqin. Mais sinon, c'est une bataille dans laquelle il n'y a pas eu de combat. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.